Frédéric Sigrist, pour conclure le 5-7 blockbuster, je vous sens un peu perturbé ce matin, Frédéric. Oui, parce qu'il se passe quelque chose de très étrange depuis que j'anime Blockbuster, Laetitia. Désormais, à chaque fois que l'émission Le Masque et la Plume critique une grosse production américaine, le lendemain, je reçois des tonnes de messages me demandant si je les ai écoutés et surtout si je compte faire quelque chose pour venger les critiques qu'ils ont fait sur le film. C'est terrible, je suis devenu le maître Vergès des films de merde. À écouter les gens, je devrais me battre avec Jérôme Garcin dans un octogone pour venger l'honneur bafoué de Dune ou du dernier James Bond. Alors non, ça n'arrivera pas. Déjà parce que, à mon avis, Jérôme Garcin va à la salle. Et puis ensuite, je dois vous avouer quelque chose. Il m'arrive d'être d'accord avec eux. Oui, je plaide coupable, il m'arrive de temps en temps de faire de l'élitisme. Pire, j'ai même déjà pensé que les blockbusters, c'était mieux avant. Je suis désolé. Par exemple, quand j'invite les auditeurs à regarder Squid Game, je ne suis pas en train de dire que Squid Game est la série du siècle qu'elle fait repousser les cheveux et revenir l'être aimé. Non, je dis tout simplement qu'il y a dans cette série un sous-texte politique qui vaut le coup d'être vu. Un petit peu comme quand on me demande dans la rue si Anthony Bélanger était bel homme. En général, je réponds qu'il est extrêmement cultivé, assez drôle et de compagnie plaisante. J'essaie de trouver des qualités que l'on ne voit peut-être pas au premier regard. Mais ce matin... Laetitia, point de nuance. Je vais vous parler d'une authentique claque artistique, un chef-d'œuvre visible en 9 épisodes sur Netflix, Arcane, la dernière série du studio d'animation français Fortiche. Arcane, c'est une série d'animation qui se déroule dans l'univers de League of Legends, un mastodonte du jeu vidéo en ligne. Mais n'ayez crainte, si les jeux vidéo vous font le même effet que l'écriture inclusive sur Jean-Michel Blanquer, il est totalement inutile de connaître le jeu pour apprécier la série. Arcane raconte le destin tragique de deux sœurs, Jinx et Vi, qui vont se retrouver déchirées entre deux factions, celle de Piltover, une ville huppée remplie de riches clans qui se font des crasses et des luttes de pouvoir, c'est un peu Baron Noir chez les Tudors, ou Neuilly-sur-Seine. Et tu sens qu'à Piltover, on est largement en dessous des 1% de logements sociaux. Hein. Et puis, Zone, les bas-fonds où vivent les plus pauvres, les marginaux et les livreurs Uber Eats. C'est une zone d'éducation prioritaire. Oh, en termes d'univers, on est plutôt sur une variation autour du steampunk, ce courant littéraire qui nous offre la vision d'une Angleterre du 19e siècle en pleine révolution industrielle, sauf que dans Arcane, la magie aurait remplacé la vapeur ou le charbon. Dans cette histoire, aucun manichéisme, juste une tapisserie de personnages bien écrits et extrêmement bien doublés qui ont toujours des raisons valables d'agir comme on nous le montre. Ce qui frappe dans Arcane dès les premières images, c'est la beauté de cette série. Chaque plan est à tomber par terre. C'est une succession de tableaux magnifiquement peints, magnifiquement animés et magnifiquement mis en scène par le studio Fortiche. Un studio qui n'en est pas à son coup d'essai. Il a été créé en 2010 par Pascal Charrue, Jérôme Combe et Arnaud Delors. Et on doit entre autres le clip Respire de Mickey 3D. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il faut que tu respires. Et c'est pas rien de le dire. Ah, vous le faites bien. On le doit à Jérôme Combe. Et il y a aussi The Huffing de Gorillaz en 2012 ou encore le dessin animé Rocket et Groot pour Marvel en 2017. Bref, que des petites pépites qui préfiguraient déjà ce qu'allait être Arcane. Une série qui redéfinit les codes de l'animation sur petit écran, comme le dessin animé Spider-Man Génération l'avait fait sur grand écran il y a quelques temps. Et je dois vous avouer que moi qui regarde désormais toutes ces nouvelles séries avec l'excitation d'un mec de gauche devant la campagne d'Anne Hidalgo, j'ai été soufflé par la qualité du truc, sincèrement. Et la série Arcane, Laetitia, du studio Fortiche, elle, je veux bien la défendre dans un octogone. Merci Frédéric Sigrist.